Chapitre 8. Jeanne, en sortant de chez le jeune avocat, semblait de nouveau frappée de folie. « Ce Paul Armand m'a deviné, se disait-elle. Tout en courant et sans l'intervention de ce loyal jeune homme, il me livrait. Oh, ce Paul Armand, que va-t-il faire à présent? Donner des indications à la police, qui bien vite découvrira ma retraite, et je serai prise. Que décider? Quel parti prendre? Je ne puis cependant pas abandonner ma fille, la laisser seule, malade et désespérée. Eh bien, je m'abandonne. Je retourne auprès de ma fille. C'est là qu'on viendra m'arrêter. » Jeanne trouva la convalescente un peu moins faible, et la malheureuse mère eut le courage de montrer à sa fille un visage souriant. « Maman Lison, demanda la jeune fille, est-ce que vous avez pensé à voir M. Darié, comme vous comptiez le faire ?»« Oui, et je l'ai vu ce matin même. » »« Que vous a-t-il dit ?»« Que ceux qui s'acharnaient à vous persécuter étaient de véritables monstres, mais que la loi ne punit pas les infâmes, qui reproche à une fille la honte de sa mère. » Lucie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Ma mère, balbutia-t-elle, elle est peut-être plus à plaindre que moi. » J'ai eu tort de laisser voir que j'avais deviné Jeanne Fortier sous Lise Perrin, se disait-il. L'affaire arrêtée eût été la pire des maladresses. Néanmoins, la présence de Jeanne Fortier à Paris est un danger permanent. Il faut que ce danger disparaisse. Le millionnaire trouva Lucien Labroux auprès de Marie. Le jeune homme continuait à jouer consciencieusement le rôle imposé par Georges Castel. On se mit à table. Le déjeuner fut court. Lucien ne pouvait laisser longtemps l'usine sans surveillance. Paul Armand, de son côté, ne tarda guère à quitter l'hôtel. Il sortit à pied et gagna la demeure de Vie de Soliveau. Au moment de sonner, sur le trottoir de l'autre côté de la rue, il aperçut Ovide Soliveau. Il traversa la chaussée et rejoignit Ovide. « Tiens, tiens !» s'écria Soliveau en tendant la main à son prétendu cousin. « Par quel hasard dans ce quartier ?»« Nous avons à causer sérieusement, très sérieusement. » « Alors, dit le Dijonnais, allons dîner. Nous causerons ensuite, car j'ai une faim de loup. » Les deux hommes entrèrent dans un restaurant voisin de la place Clichy et demandèrent un cabinet. Ovide commanda le menu et s'installa en face du millionnaire. Une fois le dîner servi, Paul Armand dit à voix basse, « J'ai peur que nous ne soyons perdus sans ressources. » Ovide prit une physionomie consternée. « Qu'est-ce que tu me chantes là ? » s'écria-t-il. « Voici la situation en quelques mots. Jeanne est à Paris et elle a retrouvé sa fille. » « Pas possible. Cependant, c'est vrai. Je me suis rencontré avec cette femme chez mon avocat, Georges Darié. Elle t'a reconnu ? » balbutia Soliveau, tout pâle. « Heureusement, non. Mais sa seule présence à Paris constitue le plus grand danger. Peut-être me reconnaîtra-t-elle un jour, et tu vois d'ici quel écroulement. Mais du moment que Jeanne Fortier ne t'a point reconnu, tout péril est passé. Parole d'honneur, tu me fais de la peine. Allons, allons, ne t'emballe pas, et compte sur moi. » « Jeanne Fortier est à Paris, tu en es sûr puisque tu l'as vue ? Elle a changé de nom, bien entendu. »« Elle se fait appeler Lise Perrin. »« Où demeure-t-elle ? » ?»« Je l'ignore, mais on peut la trouver chez sa fille Lucie. »« Quel métier a-t-elle pris ? » ?»« Celui de porteuse de pain. » »« Eh bien, demain, Jeanne Fortier ne te gênera plus. »« Que vas-tu faire ? » ?»« Moi, rien du tout, mais tu vas écrire à monsieur le procureur de la République que la nommée Jeanne Fortier, évadée de la prison de Clermont, se balade à Paris sous le nom de Lise Perrin. » Et qu'on est certain de la trouver ou de trouver sa piste chez sa fille Lucie, quai Bourbon, numéro 9. Tu seras libre de ne pas signer. C'est impossible, je n'écrirai point cela. On ne manquerait pas de m'attribuer l'arrestation de Jeanne. Qui donc ? Georges Darié. Je voulais la faire arrêter chez lui, mais il la protège et il s'est interposé entre elle et moi. Il raconta ce que nos lecteurs connaissent déjà. Tu dois comprendre maintenant, poursuivit le millionnaire, que l'on ne peut opérer ainsi sous peine de grave imprudence. Des soupçons naîtraient à coup sûr dans l'esprit de Georges. Déjà, Lucien Labroux croit à l'innocence de Jeanne Fortier. Il doute de la mort de Jacques Garot. L'avocat Georges Darié est du même avis. Le peintre Étienne Castel partage leur opinion. Pour eux tous, Jacques Garot est vivant, et Jeanne Fortier subit la peine qu'il devrait subir. Une étincelle au milieu de ses ténèbres, et le passé s'éclaire. Un mot imprudent, et tout est perdu. « Voyons, voyons, du calme, dit Ovide. Rien n'est désespéré, mon très cher. » Jeanne peut parler, mais que dira-t-elle ? Elle peut te reconnaître, d'accord, mais tu sauras répondre. Cette femme est extravague, Jacques Garot est mort et bien mort. Je me nomme moi Paul Armand, et je peux en donner la preuve. Et tu as bien découvert que Paul Armand était mort à Genève, pourquoi d'autres ne le découvriraient-ils pas ? Je te dis que le péril ne cessera de grandir tant que Jeanne Fortier sera vivante. Tu veux donc qu'elle meure ? Demanda Soliveau. Ce serait un salut. Réfléchis bien. Si Georges Darié, si Lucie, savent que tu as menacé Jeanne Fortier, l'idée ne leur viendra-t-elle point de t'attribuer sa fin tragique? Oui, s'il s'agissait d'un meurtre. De quoi s'agit-il donc? D'amener adroitement une mort accidentelle, dont le hasard seul serait coupable. À n'importe quel prix, il faut éviter la catastrophe. Songe que ta fortune est attachée à la mienne. Ma ruine est ta ruine. Adieu tes rentes si je croule. Halte-là, pas de bêtises. Risque donc alors le tout pour le tout. Veux-tu agir? Il le faut bien. Surtout pas d'assassinat, ni couteau, ni revolver. Sois tranquille. Un meurtre gentiment déguisé, un meurtre avec un faux nez qui lui donnerait l'air d'un accident. Paul Armand tira son portefeuille. Il y prit des billets de banque et les remit à son complice qui demanda. Avons-nous encore quelque chose à nous dire? Non. Dans ce cas, je rentre. J'ai besoin de combiner un plan. Ainsi qu'on vient de le voir, Ovide Solivo se décidait à donner à plein collier dans les idées de Jacques Garot. Il se disait que plus serait lourde la chaîne du crime qui les unissait, plus il serait facile de se faire payer à leur juste valeur les services rendus. À 3 heures du matin, Ovide sauta en bas du lit, alluma une bougie, endossa un vêtement usé, fané, pané, se mit du rouge brique sur les joues et du bistre autour des paupières, avachit d'un coup de crayon gras les coins de sa bouche, se coiffa d'une casquette plate, mit sous son bras un sac de toile d'assez grande dimension et prit un crochet de chiffonnier. Puis, ainsi déguisé, gagna l'île Saint-Louis, où, faisant mine de fouiller le tas d'ordures, avec la pointe de son crochet improvisé, il surveilla la maison du quai Bourbon, portant le numéro 9. 5 heures sonnaient. La porte du numéro 9 s'ouvrit, et la veuve de Pierre Fortier sortit de la maison. Ovide reconnut du premier coup d'œil le tablier traditionnel des porteuses de pain de Paris. « Ce doit être elle, se dit-il. » Il la suivit, tout en inspectant les tas d'ordures placés sur son chemin. Jeanne arriva à la maison des Lebray juste au moment où Ovide tournait le coin de la rue Dauphine et du quai des Augustins. La boutique n'étant point encore ouverte, Jeanne entra dans une allée sombre et disparut. « Voilà, se dit Solivo, la boulangerie pour laquelle elle porte le pain. Mais est-elle bien la femme qui me préoccupe ?» En ce moment, la porte de la boutique s'ouvrait, et Jeanne venait aider la servante à enlever les volets. Deux porteuses de pain parurent en même temps. « Mame Perrin, dit l'une d'elles à Jeanne, nous allons au rendez-vous des boulangers. C'est notre tournée ce matin. »« Allez, mes enfants, répondit Jeanne, je vous suis. » Ovide, qui s'était approché, avait entendu. « Mame Perrin, c'est bien elle, murmura-t-il. » Et au lieu d'attendre Jeanne Fortier, Ovide suivit les deux femmes, tout en enlevant sa blouse, qu'il fourra dans son sac et pénétra chez le marchand de vin à son tour. Le patron trônait au comptoir de la salle d'entrée, où se trouvait un cabinet prenant jour sur la grande salle par vitrage. De petits rideaux, jadis blancs, fermait à demi ce vitrage dans lequel s'ouvrait un vasistas. Ovide fit servir sur le comptoir un verre de vin blanc qu'il but debout. Jeanne arriva et passa derrière lui pour pénétrer dans la grande salle. Dès qu'elle parut, elle fut entourée. « Bonjour, maman Lison, disaient les uns. « Bonjour, mame Perrin, disaient les autres. » Jeanne Fortier était fort aimée. « Nous le savons, » dit Ovide put le constater, en voyant la façon dont tout le monde l'accueillait. Il reprit son sac, son crochet, et retourna chiffonner dans les alentours de la boutique du boulanger Lebray. Jeanne commença sa tournée en remontant jusqu'à la rue Saint-André-des-Arts, distribuant du pain de maison en maison et allégeant petit à petit sa voiture d'osier. Successivement, elle passa dans toutes les rues qui se greffaient sur la rue Saint-André-des-Arts, rue Séguier, rue Gilles-le-Cœur, puis elle desservit la place Saint-Michel, le quai Saint-Michel, les rues adjacentes, la place Maubert et enfin l'île Saint-Louis. À 8h30, elle avait terminé et s'arrêtait en face de sa demeure. Ovide ne l'avait pas perdue un seul instant de vue. « Voici sa dernière station, se dit-il, quand elle fut arrivée au quai Bourbon. Maintenant, il faut baser mon plan sur l'itinéraire qu'elle a suivi et qu'elle doit suivre tous les jours. C'est au cours de ce trajet que se produira l'accident. »